25 février, le drop 1 est passé. J'aimerais revenir sur un truc qui me paraît assez important. C'est Rossetti suprême dans un contexte économique. On sait que c'est une entreprise américaine basée à New York. Maintenant, elle appartient à un gigantesque fonds souverain qui gère des centaines de milliards de dollars. Et au conseil d'administration de ce fonds souverain, on peut retrouver des gens comme le frère de l'ancien président Nicolas Sarkozy, l'ancien président américain George Bush. Donc ça donne une idée que Suprême, en fait, c'est ce qu'on appelle une holding parmi tant d'autres que possède cette maison mère, donc ce fonds souverain. Donc, ça permet de resituer les choses. Mais après, Suprême, c'est une contradiction en elle-même dans la théorie néoclassique, dans laquelle donc c'est l'orthodoxie dominante dans laquelle on baigne en Occident. Donc si on l'a tous étudié à l'école primaire, c'est les deux hypothèses fondamentaux de la microéconomie. Donc à savoir que l'entreprise, la société, donc en l'espèce suprême, une entreprise lambda, son but dans la théorie néoclassique, c'est de maximiser son profit. Et le consommateur, donc on a l'alpha et l'oméga dans cette théorie. Le consommateur, son but, lui, c'est de maximiser son utilité. Donc, si on regarde bien les hypothèses, c'est suprême en tant que shop, ils devraient maximiser leur profit. Et le consommateur, il est là pour maximiser son utilité en achetant un maximum de produits suprêmes, en achetant un maximum d'items. Maintenant, une contradiction. La contradiction, elle est que... je ne vais pas refaire un cours d'écho, mais on sait que dans la théorie néolibérale, c'est le marché roi. Le marché vient avant l'État. Et dans ce marché, il y a une sorte de mécanisme invisible qui fait que, théorie d'Adam Smith, sur un marché où un certain nombre d'hypothèses sont posées, libre concurrence, etc., le prix, il s'équilibre. Donc c'est une vieille tradition à inspirer, parce que c'était des économistes qui avaient fait des études de physique à la base. Ils avaient fait des modèles inspirés beaucoup de la physique et de la mathématique, où la courbe d'offre, elle rencontrait la courbe de demande, et le prix s'équilibrait. Maintenant, suprême, le prix ne s'équilibre pas. On va revenir sur le drop 1. C'est le t-shirt... quel exemple je peux donner? Attends, là, je regarde. Je vais voir un peu les prix de Russell, là, parce que je suis sur StockX. Quel exemple on peut donner? Le Formula Kronek. Donc lui, il était à combien, lui? Attendez, je recheck sur Suprême. Formula Kronek. Parce que dans le drop 1, c'est aux États-Unis et en Europe. C'est ce qui s'est vendu en premier. Donc le coloris d'origine. Formula Kronek. Où je l'ai mis, ça? C'est dans shirt, ça? Non, jacket? Non, pas jacket. Pas shirt. Sweaters, non. Sweatshirts, non. Portail, il est où? Wesh. Attends. Shirts, non. Non. Top sweater, il doit être là, c'est pas possible. Bref. Ah, il était là. 148 euros. Et le coloris star, c'était le colorway natural. Donc ça, 148 euros. Et là, donc quelques heures après, on va sur StockX, qui est la référence pour moi, la référence ultime du resell. Parce que peut-être un jour, j'y reviendrai dans un autre enregistrement. Je pense StockX, il a institutionnalisé le resell. Alors, alors, Formula Chronex, voilà. Donc, il se négocie en prix moyen, donc 148 euros. Donc, taille S 600 dollars, taille M 450 dollars, L et XL dans les 400 dollars. Donc, le prix, il a été quasiment multiplié par 2, voire par 3, si on prend en compte le taux de change. Donc, je reviens sur cette histoire de prix qui s'équilibre. Maintenant, pourquoi on peut se poser la question, elle est légitime. Pourquoi Supreme, il ne vend pas le Formula Chronec naturel 300 dollars? Parce que c'est le prix d'équilibre. Les gens sont prêts à mettre 300 dollars et le produit, ils les vendent à 148 euros. Donc, en fait, ça reste une contradiction de Supreme. Parce que dès l'origine, Supreme, il voulait que leur produit il soit produit en petite quantité et voulait que le marché du resell de Supreme il s'organise et qui s'autogénère à partir de Supreme, en fait, ce qui est assez paradoxal en soi, hein. et si on regarde bien, on sait que la nature a l'horreur du vide, donc comment expliquer que pourtant Seul point commun qu'il y aurait entre Supreme et des obscurs Supreme soviétiques communistes, ce serait juste le fameux logo rouge qu'ils partagent en commun. Maintenant, comment expliquerait que les prix ils s'équilibrent pas? Parce qu'en fait, Supreme, ils vendent en dessous du prix d'équilibre dans un système économique néolibéral, c'est s'attirer une pénurie. Effectivement, c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les anciennes saisons. Il y a une pénurie parce que les gens ils achètent tous les stocks parce que tout simplement la demande elle est plus forte que l'offre et l'offre elle sera toujours faible chez Supreme. Ça a toujours été leur philosophie. Maintenant la nature elle a horreur du vide et du coup le marché secondaire, ce qu'on appelle le marché du resell Supreme, c'est dans ce marché exactement que l'offre et la demande ils s'équilibrent. Le Chronec Formula qui valait 148 euros, en fait, son vrai prix d'équilibre c'était entre 350 et 350 euros. Donc là, il a trouvé son vrai prix d'équilibre. Donc voilà une grande contradiction suprême. Donc là, on revient sur le drop 1. Donc vite fait, je vais revenir sur un autre manque de streetwear, Palace. C'était le drop 1 lundi. C'était le drop 1 vendredi. Et d'après ce que j'ai vu, je suis allé dessus, il y avait moyen de prendre tous les items en manual cooking. Ça veut dire que on pouvait, avec juste sur l'ordinateur, une collection internet moyenne, fibre, petite fibre, on pouvait prendre à peu près tout ce qu'on voulait. Il n'y avait pas eu, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas eu d'invasion de bots. Et ils avaient réservé une petite surprise parce qu'il y avait un modèle qui s'appelait Jobworth. Donc avec le logo Palace à l'arrière. Et c'était le même logo avec une partie mangée façon logo d'Apple. Même colorway et tout. Donc ils l'ont vendu. Dès qu'ils ont tout vendu, ils l'ont retiré du site. Je pense qu'ils avaient peur de se prendre un procès, un truc comme ça. Donc du style, le truc est sorti sans... ni vu ni connu, il a été vendu ni vu ni connu et sera resellé ni vu ni connu. D'ailleurs, c'est le seul item de Palace qui s'est retrouvé sur StockX. Donc, Jobworth. Donc, c'était pour ceux qui étaient là pour le drop Palace le vendredi matin, parce qu'il y a, beaucoup de monde, ils ont vesqui ce drop et pourtant il y avait ça. C'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Donc, du coup, on revient sur le drop 1 Supreme. C'est sorti un lundi. Donc, c'est sorti ce lundi en ligne. J'avoue que ceux qui suivaient pas trop l'actualité, ils étaient un peu, ils avaient oublié qu'il y avait le drop à midi en Europe. Il est sorti à 16-17 heures européennes, donc aux États-Unis là-bas à 8 heures, je crois. Et pareil pour le premier drop, donc c'était pas, il y avait pas des items que tout le monde attendait. Et du coup, en manual cooking, c'était possible de cop. Franchement, c'était vachement possible. Maintenant, là, j'ai les chiffres là. Donc, pour l'Europe. Alors, le Formula Chronec Natural Medium. Donc, il fallait... le M, il s'est vendu en 11 secondes. le XL 15 secondes et le large en 17 secondes. Donc c'était vraiment l'item star de ce drop 1. Tout s'est vendu en moins de, ben, en moins de 17 secondes, 17,2 secondes. Après, qu'est-ce qui s'est bien vendu? Donc tu as tous les Formula Sweatpants, ouais, ça c'est bof, bof, bof, bof. Et du coup elle est même en fait on prédit les decks qui sont partis en 168 secondes, donc en moins de 3 minutes. Et moi je croyais que le t-shirt King of New York, le film de Christopher Walken là où il regarde cette fameuse prise de vue où il regarde New York City à travers la glace là, regarde les buildings, lui s'est vendu en 122 secondes. Donc en moins de 2 minutes, on pouvait manuellement prendre un t-shirt. Donc c'était pas, c'était un drop, voilà, tout le monde s'est rué sur la Formula Crew Neck. Donc si on compare avec les chiffres des États-Unis, donc pareil, le Natural Crew Neck Formula, c'est ce qui s'est vendu en premier. Et bon, après, c'est les États-Unis, parce que le t-shirt Christopher Walken, King of New York, lui, il s'est vendu, c'était l'item juste après. Donc, ils aimaient bien ce t-shirt aux États-Unis. Moi, je suis allé prendre vite fait le cadenas, là, le rouge. Et j'étais passé à Supreme, il était 16h. Il y avait encore le cadenas, il y avait encore les pillows Uzi. Il y avait un peu de monde, mais il n'y avait pas tant de monde que ça. Mais voilà, donc c'est le premier drop. Et ils ont offert une sorte de bonnet de bain suprême. Ils l'ont offert en cadeau, là, quand je l'ai acheté. C'était sympa. Mais bon, un truc qui vaut $1 milliard. Donc, au moins, un cadeau, c'est déjà ça. Bon, on se retrouvera pour le drop 2 dans la semaine.